Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons voir avec Valérie Levé que le futur n'est pas si simple que ça et qu'il commence aujourd'hui avec le transhumanisme. Valérie, il faut que tu commences par nous dire c'est quoi le transhumanisme. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette bébête-là? Ben, le transhumanisme part de l'idée dès que l'être humain n'est pas parfait. Entre autres, sa mémoire est limitée, il a le grave défaut d'être malade et le défaut encore plus grave de vieillir et de mourir. Alors le transhumanisme, c'est cette idée d'améliorer l'être humain, d'améliorer ses performances cognitives et même de le rendre immortel. Et lui-même va même jusqu'à forcer en quelque sorte son évolution. On sait que la sélection naturelle procède un peu par essai et erreur en fonction de la variabilité qui existe de par les mutations et l'adéquation de ces mutations ou non avec les conditions environnementales. Ben, au lieu d'une évolution qui tâtonne, le transhumanisme permettrait de contrôler l'évolution humaine. Alors, pour me faire une idée, une petite idée du phénomène, j'ai lu le livre qui s'intitule « Généalogie et nature du transhumanisme ». C'est un livre paru cet automne aux éditions Libère et qui est un collectif d'auteurs qui sont tous universitaires. Est-ce que c'est une idée qui est nouvelle? Ben non, l'idée est née dans les années 80 en Californie. De là, il y a eu le mouvement Extropie, puis en 1998, la World Transhumanist Association, qui est devenue ensuite Humanity Plus. Donc, il s'est étendu au reste du monde, mais en fait, il est quand même surtout actif en Californie et au Royaume-Uni. Alors, on y trouve des universitaires, on y trouve aussi des auteurs de science-fiction, comme Werner Vinge ou Greg Bear. On y trouve aussi des entreprises comme Alphabet, donc Google, la maison mère de Google, SpaceX avec Elon Musk. On n'est peut-être pas tout à fait surpris. Des centres de recherche comme Unity Longevity de Craig Venter. Alors, Craig Venter, on entend un peu moins parler de lui en ce moment, mais dans les années 2000, on en a quand même entendu parler parce que c'est sa société qui a séquencé le génome humain en compétition avec le consortium international qui séquençait aussi le génome humain. Et en fait, dans son cas à lui, c'est son propre génome qui a été séquencé. Et ensuite, il a construit de toutes pièces aussi, ben lui ou son entreprise, sa société, a construit de toutes pièces un chromosome artificiel. Donc, ça en dit long sur le personnage. On est quand même un petit peu dans l'esprit du transhumanisme. Exactement. Mais comment compte-t-il s'y prendre pour, disons, améliorer l'homme? Oui, ben essentiellement, on compte sur la technologie, un mélange de tout ce qu'on peut imaginer et qu'on n'imagine pas encore d'ailleurs, qu'on n'a pas encore concrétisé. Donc des biotechnologies, des nanotechnologies, de l'électronique. Et ça va très loin parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous délivrer de nos maladies et de la mort, mais même des modifications biomédicales. Écoute bien, Marie-Claude, pour réduire nos impacts sur les changements climatiques. Est-ce que c'est vraiment possible? Alors, par exemple, les idées qui sont proposées, c'est de nous rendre intolérants à la viande. Donc, comme ça, on mangerait moins de viande. On sait que la production de viande produit plus de GES que la production de légumes. Une autre idée, c'est de réduire notre taille, parce que si on est plus petit, on mange moins et on prend moins de place, etc. Mais c'est vraiment insensé. C'est complètement délirant. Mais quand on voit qui est membre de Humanity Plus, ça fait quand même réfléchir. Alors évidemment, il y a des critiques du transhumanisme, et notamment on lui reproche de biologiser à outrance tous nos défauts, tout comme si c'était juste une question de biologie et pas de société, questions sociales ou sociétales par exemple, comme si seule notre nature biologique était la cause des changements climatiques. Mmh. Bon, c'est un petit peu simpliste comme idée. Et c'est aussi comme si seule la technologie pouvait faire de l'homme un homme meilleur. Mm-hmm. À mon sens, c'est un peu une déshumanisation. Bizarrement. Ouais, c'est ça. Ça nous déshumanise un petit peu. Et ce qui est aussi insensé, c'est le projet de cryonie. Donc ça, c'est une technique qui permettrait de conserver le corps par le froid jusqu'à ce que le développement de technologies futures permette de le réanimer de façon améliorée. Donc, on congèle le corps. Pendant ce temps, la technologie évolue et on développe toutes les technologies du transhumanisme. Mais quand on réveille le corps, on le réveille et on l'améliore. Alors, évidemment, tout cela n'existe pas pour le moment. Pas encore. Mais dans le monde scientifique, est-ce qu'on peut dire que ces transhumanismes-là sont pris au sérieux? Ben, il y a des hommes d'affaires influents là-dedans. Alors, on lit par exemple dans le livre que le transhumanisme diffuse ses thématiques de recherche au sein de la NSF, qui est la National Science Foundation. et aussi de la DARPA, c'est-à-dire l'Agence de recherche de la défense aux États-Unis. D'ailleurs, en 2002, la NSF a sorti un rapport au titre tout à fait éloquent. Donc, ce titre, c'est « Technologies convergentes pour améliorer la performance humaine », nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives. Donc, à travers des projets de recherche qui sont financés par ces deux organismes américains, on retrouve des idées transhumanistes. Et puis, il y a la recherche privée promue par des membres de Humanity Plus, comme Elon Musk, Craig Venter, Sergey Brin, qui est le cofondateur de Google. Et pourtant, on n'en entend pas vraiment parler de ce mouvement-là. Non, on n'en entend pas ouvertement parler, mais en fait, c'est un peu insidieux parce que de la recherche sur le vieillissement, il y en a dans de nombreuses universités, des neurosciences aussi, puis des études pour comprendre la mémoire et comment on pourrait améliorer la mémoire. Tout ça, ça existe et on ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre des études sur le vieillissement. Mais comme on le dit parfois à l'émission, quand il est question d'éthique en sciences et technologies, il y a des développements scientifiques d'un côté et les usages de ces développements. Donc, on n'en entend pas parler, mais n'empêche que la recherche est là quelque part. Elle est présente et reste à voir comment elle serait ensuite utilisée par ces adeptes du transhumanisme. Quant à savoir s'il faut avoir peur de ces transhumanistes, je crois qu'il y a des menaces plus réelles et pressantes qui pèsent sur l'humanité. Mais ceci dit, ça vaut quand même le coup de s'informer et donc pourquoi pas à travers ce livre dont je rappelle le titre, Généalogie et nature du transhumanisme. C'est un collectif d'auteurs, tous des universitaires, donc qui ont réfléchi sérieusement à la question et qui donc un livre qui est paru cet automne aux éditions Libère. Merci beaucoup Valérie. Ça m'a fait plaisir.